Monsieur, bonjour. Vous désirez ? Bonjour. Je voudrais du fromage. Un morceau de camembert, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Et avec ça ? Ce sera tout. Alors, 2,30 €. Merci, bon dimanche. Merci, à vous aussi.